Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Discothèque Classique. Discothèque Classique, c'est votre rendez-vous avec la musique classique tous les samedis et dimanches de 11h à midi sur Radio Fadjet. Eh bien, je suis très heureux de vous retrouver, et pour ouvrir l'émission, la tonique et éblouissante ouverture de Candide de Léonard Bernstein. C'est une œuvre d'après Voltaire, évidemment, et qui n'a pas été composée par Bernstein par hasard dans les années 50, puisque ce sont les années du maccartisme. Et c'est un conte évidemment philosophique sur la tolérance. L'œuvre s'est surtout imposée grâce à son ouverture qui, dès sa création, a été adoptée par la plupart des orchestres du monde. Et on va l'écouter tout de suite, dirigé par le compositeur, ouverture de Candide de Léonard Bernstein, œuvre de 1956, magnifique orchestre philharmonique de New York. ça réveille hein, quand même. L'ouverture candide de Leonard Bernstein avec le New York Philharmonic, direction le compositeur. Un peu de Mendelssohn maintenant avec l'une de ses œuvres les plus célèbres, son fameux concerto opus 64 pour violon et orchestre. En fait, c'est le deuxième concerto pour violon écrit par Mendelssohn qui, très jeune, avait écrit un concerto pour violon et orchestre à cordes. Alors, Mendelssohn, il est né en 1809, il est mort en 1847. Il était né à Hambourg dans une famille cultivée, il a grandi à Berlin dans une atmosphère soignée, autant sévère qu'affectueuse, et son apprentissage du piano de la composition fut doublé d'une éducation philosophique et même l'étude des langues. Il parlait plusieurs langues. Il a assisté aux cours d'Hegel à l'université de Berlin, il a rencontré Goethe, dont il devint un proche, et il a fait de nombreux voyages, évidemment, à Londres, à Paris, en Italie, en Suisse, il a rencontré Chopin, Liszt, Rossini, ou encore Berlioz. Et donc, au retour de ces voyages, eh bien, Mendelssohn composait des œuvres, d'ailleurs en lien parfois avec ce qu'il avait vu, comme la symphonie italienne ou encore la symphonie écossaise. Il fut nommé directeur du Gewandhaus de Leipzig en 1835 et il a dirigé l'orchestre. Il a fait connaître au public les symphonies de Beethoven, les opéras de Mozart et puis la redécouverte des œuvres anciennes tombées dans l'oubli, celles de Handel et surtout de Jean-Sébastien Bach. On va écouter un peu de ce concerto très célèbre, concerto opus 64, le début, avec Midori au violon, l'orchestre philharmonique de Berlin est dirigé par Maris Jansons. Thank you. le début du concerto pour violon opus 64 de Mendelssohn avec Midori en soliste et l'orchestre philharmonique de Berlin. Direction Marie Sionson, un peu d'opéra maintenant avec Turandot de Puccini, et l'air fameux, hein, Nessun Dorma. C'était vraiment le tube de Luciano Pavarotti, bah c'est lui qu'on va entendre, hein, Luciano. Turandot, eh bien, c'est un opéra en trois actes de 1926, et il est resté inachevé. Il a été créé après la mort de Puccini, et donc on s'éloigne du style habituel de ce compositeur, on est loin du vérisme qui fit son succès. À Puccini, Turandot eh bien, sacrifie au spectaculaire et propose une modernité d'écriture qui le place presque à la pointe de l'avant-garde. Il avait d'ailleurs assisté à une audition du Pierrot Lunaire de Schönberg à Vienne et il avait été tout à fait intéressé par cette musique. Évidemment, même avec Turandot, on est très loin de Schönberg. Voici l'air fameux Nessun Dorma, chanté donc par Luciano Pavarotti. Le chœur John Aldiss, le London Philharmonic Orchestra sont dirigés par Zubin Mehta. Discothèque classique, votre rendez-vous classique le samedi et le dimanche de 11h à midi sur Radio Fadjet. C'était évidemment Nessun Dorma, tiré de Turandot de Puccini avec la voix de Luciano Pavarotti, le chœur John Aldiss, le London Philharmonic Orchestra dirigé par Zubin Mehta. Et on continue avec un peu de Schumann joué par Catherine Collard. Il y a un coffret qui a été édité il y a peu par Erato autour de Catherine Collard, coffret de 7 CD. Qui nous propose tous les disques qu'elle a enregistrés pour ce label dans les années 70. Et Catherine Collard, elle a disparu prématurément des suites d'un cancer. Elle a laissé une discographie incomparable chez Erato, mais d'autres labels également, comme Lyrinx par exemple. Elle est connue pour ses interprétations magnifiques des sonates de Haydn, et puis surtout aussi pour Schumann. Alors extrait de ce coffret de 7 CD paru récemment, voici l'une des romances opus 28 de Robert Schumann, joué donc par Catherine Collard. Page très romantique, hein, la première des romances opus 28 de Robert Schumann sous les doigts de Catherine Collard. Et on va continuer avec un peu de Haydn, Joseph Haydn, concerto pour clavier qui se termine par un rondo à la hongroise, il vaudrait mieux dire à la tzigane, hein, parce que souvent les compositeurs ont confondu hongrois et tzigane, et il est vrai que Haydn, contrairement à Mozart, a peu composé de concertos. Il a composé des concertos pour violoncelle, ce que n'a pas fait Mozart, concertos pour trompette, ce que n'a pas fait non plus Mozart, quelques concertos pour violon, quelques concertos pour clavier. Je dis clavier parce qu'ils peuvent être joués indifféremment selon la période d'écriture pour clavecin ou piano. Voici un extrait de l'un de ses concertos pour clavier de Joseph Haydn, peut-être le plus célèbre, avec son rondo à la hongroise. J'ai choisi une version avec clavecin, Trevor Pinnock au clavecin, The English Concert, ensemble fondé par Trevor Pinnock lui-même. Thank you. Le rondo à la hongroise tiré du concerto pour clavier de Joseph Haydn avec The English Concert dirigé du clavecin par Trevor Pinnock. Et on continue notre émission avec un peu de la musique de Louis Thirion. Alors il n'est pas très connu Louis Thirion, il est né en 1879, il est mort en 1966. On va écouter le final de son quatuor à cordes, unique quatuor à cordes de 1908, une œuvre qui sera jouée très prochainement, dimanche prochain, 1er février, à 11h au Musée des Beaux-Arts, par le quatuor Stanislas. On écoute le final de ce quatuor et on en reparle après avec mon invité Franck Nathan, violoniste, premier violon de ce quatuor Stanislas. Thank you. Du quatuor de Louis Thirion, interprété par le quatuor Stanislas. Bonjour Franck Nathan. Bonjour Thierry. Alors Franck, vous êtes violoniste, premier violon donc de ce quatuor Stanislas, et vous serez en concert dimanche 1er février à 11h au Musée des Beaux-Arts pour un concert de musique française, me semble-t-il. Exactement. Alors c'est l'association Emmanuel Héré, des amis du Musée des Beaux-Arts de Nancy, qui nous fait cette invitation à venir donc donner un programme autour des compositeurs du groupe des Six notamment, ceux qui étaient invités par le comité Nancy-Paris. Ce comité était fondé par Georges Sadoul entre 1923 et 1927 et avait pour vocation de diffuser les artistes modernes de l'époque entre Nancy et Paris. Et donc à Nancy se sont produits ou du moins ont été interprétées des œuvres de Germaine Taillefer et Arthur Honegger. Et Louis Thirion, qui est un compositeur né à Baccarat, donc de la région, et son frère André Thirion était membre aussi de ce comité Nancy-Paris. Et donc c'est tout naturellement que nous l'avons associé à ce programme pour lequel, voilà, qui est proche de cette époque art déco. Alors ce concert, il sera donné dans le, je sais pas si on peut dire le sous-sol, mais dans le... les bas-fonds, c'est-à-dire le Musée des Beaux-Arts, oui. Voilà, il y a un auditorium magnifique. Hein. Voilà, exactement, un auditorium qui est, comme vous le dites, dans les sous-bassements du musée, sur les fondations encore apparentes de notre ville fortifiée, qui était Nancy au Moyen-Âge. Et donc, ça reste un très beau vestige. Nous jouons devant de très belles pierres. Et l'auditorium accueille, je crois, un peu plus de 200 personnes. Donc, c'est un très bel endroit. Alors, on va donner quand même précisément le programme du concert, si vous voulez bien. Bien sûr. Alors, nous allons jouer, nous serons donc en quatuor à cordes. L'ensemble Stanislas, là, se produit en quatuor à cordes. Donc, avec les quatuors de Germaine Taillefer, le deuxième d'Arthur Honegger, et le seul de Louis Thirion. Ouais. Voilà, opus 10. Mais j'ai l'impression quand même que vous cherchez plus ou moins à privilégier les compositeurs lorrains, notamment ceux qu'on a oubliés, et injustement, parce que Louis Thirion, c'est vraiment un compositeur de premier ordre. Et votre discographie témoigne un peu de ce souci de mettre en avant les compositeurs lorrains. Exactement. Alors, Jean Spengler, le fondateur de l'ensemble Stanislas, a toujours eu cette démarche, déjà d'aller chercher, alors souvent la nouveauté pour ce qui est de la création musicale, et puis en même temps de défricher et de remettre à l'honneur des compositeurs qu'on pourrait dire oubliés, et puis notamment être fier des compositeurs lorrains que sont Guy Ropartz, évidemment Louis Thirion, Florent Schmitt, voilà, puisqu'il y a aussi, on a la chance d'avoir eu des compositeurs en Lorraine vraiment illustres et qui ont laissé de très belles œuvres, donc autant les faire redécouvrir au public nancéen. Et c'est vrai que Guy Ropartz, bien que breton, a laissé une trace importante à Nancy parce qu'il a un peu modernisé le conservatoire, il a ouvert de nouvelles classes et crois que c'est lui qui a dirigé la première du poème de Chausson. Hein. Exactement, voilà, il est à l'origine même de la fondation de l'orchestre dont je fais partie maintenant. Et puis, au niveau du conservatoire, d'ailleurs, Louis Thirion a été élève de Ropartz et pardon. Et effectivement, ils ont été des marqueurs forts de la musique à Nancy. Alors, on va écouter quand même un peu de musique. Le trio de Germaine Taillefer, qui est morte en 1983, pas si longtemps que ça finalement, et qui a donc fait partie de ce groupe des Six. C'était un groupe des Six qui avait été baptisé ainsi par Henri Collet, qui était critique et compositeur. On va en écouter un peu, non pas par l'ensemble Stanislas, peut-être ce trio sera-t-il enregistré par vos soins prochainement, mais par le trio Karénine. En voici le premier mouvement. Le premier mouvement du trio de Germaine Taillefer, interprété par le trio Karénine. Donc, nous sommes en compagnie de Franck Nathan, premier violon du Quatuor Stanislas. Franck, ça c'est vraiment de la très belle musique, hein, Germaine Taillefer. On s'étonne quand même qu'une telle musicienne, une telle compositrice ait pu être occultée pendant tant d'années, quoi, finalement. Oui, et surtout que finalement, de son temps, elle a fait bon nombre de créations, que ce soit même pour le film. Figurez-vous qu'elle elle s'était mariée avec un caricaturiste américain, Ralph Barton, et donc elle est partie vivre aux États-Unis, et Chaplin lui aurait proposé de composer de la musique pour ses films, et le mari, comme très souvent à cette époque, a refusé qu'elle puisse composer pour Chaplin. C'est bien dommage. Les deux finiront par se séparer et elle reviendra en France. Et là, elle pourra créer bon nombre de pièces, notamment des concertos, son concerto pour piano en 1924 ou un concertino pour harpe et aussi des ballets. Elle a écrit, elle a un catalogue d'œuvres qui ne se réduit pas qu'à la musique de chambre. Mais on peut dire que le quatuor que nous allons interpréter, composé en 1917, alors c'est aussi Germaine Taillefer s'est lié d'amitié donc avec les membres du groupe des Six, que ce soit Poulenc et surtout Darius Milhaud. Elle est très empreinte de cette musique française. On le sent quand on travaille cette œuvre qu'il y a encore l'influence de Ravel, parfois de Debussy aussi. Chaque compositeur et compositrice trouve sa voix et sa patte, musicale. Mais c'est vrai qu'elle a été trop souvent éclipsée par ses collègues masculins, si on peut dire. Une musique qui s'inscrit dans son époque, tout simplement, mais elle a quand même travaillé pour le cinéma, elle a composé quelques musiques de films. Oui, exactement. Alors, pour en revenir à des choses un peu plus prosaïques, Franck, on va parler des moyens de réserver des places, tout simplement, pour ce concert du 1er février à 11h au Musée des Beaux-Arts. Oui, écoutez, comme c'est l'association Emmanuel Herré, je l'ai dit tout à l'heure, des amis du Musée des Beaux-Arts de Nancy qui nous invite, c'est auprès d'eux qu'il faut réserver, alors soit au 03... 83 85 30 74 ou alors par mail à l'adresse amis@orange.fr ou alors le public peut aussi acheter directement sur place jour du concert. La billetterie ouvrira à 10h30 mais uniquement par chèque ou en espèces. D'accord. Voilà. Bon, on va parler aussi de vos collègues un petit peu. Mais là, bien parce sûr. Que le quatuor Stanislas, c'est un quatuor qui a quand même beaucoup, comme tous les quatuors, parfois changé parce qu'il existe depuis plus de 40 ans. Oui. Et donc parfois, il y a certains musiciens qui sont partis, d'autres sont arrivés. Et aujourd'hui, quels sont les musiciens qui constituent ce quatuor Stanislas? Alors voilà, moi, en reprenant en fin de compte la direction artistique de l'ensemble Stanislas, qui comprend le quatuor et le quintet avant, nous sommes effectivement plus dans les mêmes configurations. Et les artistes et musiciens et collègues sont aussi sollicités par d'autres projets, et c'est très bien pour eux et pour nous tous, je dirais. On travaille avec plusieurs équipes, en quelque sorte. Et pour ce concert-là, du 1er février, nous serons avec Rémi Chopinet au violon, Marie Triplet-Stengel qui faisait partie donc de l'enregistrement qu'on a entendu du quatuor de Louis Thirion, et Morgane Gabin au violoncelle. Alors, ce sont des collègues, en quelque sorte. Exactement, ce sont des collègues d'orchestre. Et ouais. Marie Triplet, elle est enseignante au Conservatoire de Nancy. Et c'est toujours un plaisir d'avoir aussi des échanges avec les professeurs du Conservatoire, que ce soit des pianistes, des violonistes ou des souffleurs aussi. On a la possibilité. Allez, on va écouter un peu encore du quatuor de Louis Thirion. Le deuxième mouvement qui est assez vif. Exactement, hein, c'est une sorte de mouvement de bravoure. Eh bien, on l'écoute interprété par le quatuor Stanislas. Thank you. Un peu du quatuor de Louis Thirion, joué par le quatuor Stanislas, une œuvre qui figure au programme du concert donné demain, 1er février à 11h au Musée des Beaux-Arts par le quatuor Stanislas. Franck Nathan, quels sont les prochains rendez-vous pour les concerts à venir? Donc, quels sont les prochains concerts de l'ensemble Stanislas? Eh bien, après ce concert du 1er février, nous passerons au mois de mars, notamment le 16 mars. Là, nous retrouverons la salle Poirel, donc ce sera un concert d'abonnement de l'ensemble Stanislas, avec là, pour le coup, un programme, encore une fois, exclusivement de quatuor à cordes. Vous savez, cette année, moi, j'avais opté pour le fait que pour au moins 2 à 3 concerts, enfin même 3 concerts d'abonnement, nous ayons les vents et les cordes. Et puis, je me suis dit que le public fidèle de l'ensemble Stanislas appréciait sûrement les programmes de quatuor à cordes. Donc voilà, j'ai pas voulu déroger à la règle. Donc nous interpréterons un programme qui est aussi dans la thématique Est-Ouest, c'est-à-dire de mettre en regard des œuvres de compositeurs d'une même époque mais sur des continents différents. Et là, nous donnerons le premier quatuor de Serge Prokofiev, qu'il a d'ailleurs composé aux États-Unis, donc chose assez amusante. Et Samuel Barber, donc compositeur américain, avec le fameux et très célèbre adagio de Samuel Barber. Ouais. Et puis aussi un quatuor d'Anton Webern, qui ferme la porte au post-romantisme avant de s'engouffrer dans d'autres aventures musicales et une autre esthétique. Mais ça m'a été un petit peu soufflé par un fidèle abonné du public qui nous a envoyé un très gentil message en nous demandant s'il était possible d'entendre des compositeurs tels que Schoenberg, Webern ou Berg. Et donc j'ai écouté et j'ai cherché ce qui pourrait coller dans notre programmation aussi, parce que souvent on a le souhait d'inclure certaines pièces, mais il faut que ça puisse matcher avec un ensemble de programmes. Et je me suis dit que là c'était tout à fait opportun. Et donc, on entendra aussi donc, le quatuor de Webern. Et ça donnera vraiment des 3 couleurs complètement différentes. Donc ça, ce sera le 16 mars à 20h. Oui. Et là, c'est la billetterie habituelle, www.poirel.nancy.fr. Vous matchez, alors c'est bien, vous parlez un peu comme les Jones, c'est parfait. Bon, on va écouter un petit peu du quatuor, du premier quatuor de Guy Ropartz, enregistré il y a quelques années par le quatuor Stanislas. On va écouter le deuxième mouvement, noté vif. Merci beaucoup Franck Nathan d'être venu nous parler de ce concert, rappelons-le, le 1er février demain à 11h au Musée des Beaux-Arts, dans un endroit magnifique. Bonne journée et bon concert. Merci Thierry. Thank you. Deuxième mouvement du quatuor numéro 1 de Guy Ropartz, interprété par le quatuor Stanislas. Et on va terminer l'émission avec une ouverture, bah oui, pourquoi pas, ouverture de Così fan tutte de Mozart, évidemment un opéra de 1790 parmi les plus célèbres, et donc un opéra qui signe la dernière collaboration de Mozart avec son fameux librettiste vénitien Lorenzo da Ponte. Voici cette ouverture de Così fan tutte par la Staatskapelle de Berlin, que dirige Otmar Suitner. Thank you. Ouverture de Così fan tutte de Mozart, l'orchestre de la Staatskapelle de Berlin, direction Otmar Suitner. Et bien voilà, c'est terminé pour ce samedi. On se retrouve bien sûr demain, dimanche à 11h, pour de nouvelles émissions de Discothèque Classique. Je vous souhaite une bonne journée, un excellent samedi, et je vous dis à demain.